truc là. De guitare. que haber, ¿no? Le son sur ma guitare. Thank you. Thank you. Y'a plus de basse ? Oh, y'a plus de basse. Faut trouver une basse. Ça fait penser à la musique, ouais. C'est quoi ? Ça fait penser à un truc. Je cherche. Si, il y a une basse. Parce que j'ai une espèce de basse pourrie là. Une basse. Pas mal avec moi. J'entends plus. Mike. Attends. J'ouvre. Spécial. Dédicace pour Bilou. Un jour il m'a mis la chanson. In the Navy, I'll always swear to come file. In the Navy, in the Navy. Help us from another thing. In the Navy. Toutes les tapettes.